Bra, bre, bri, bro, bru. Capra. Bra, bre, bri, bro, bru. Capra. Bra, bre, bri, bro, bru. Capra. Bra, bre, bri, bro, bru. Capra.